Fragmentos de Quebec City o El Amor Supremo, grabación realizada en forma directa a una representación de arte total por su autor Raoul Dubuay. Little C'est pourquoi je verse ma voix dans vos oreilles, comme un autre d'abat de la poudre dans le canon de fusil, pour mieux vous entendre armer votre bouche de paroles à pouvoir sauver. La poésie n'est pas que belle, elle est rebelle. Je veux hurler. Entendez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai entendu dormir, rire et pleurer, puisque Dieu même a besoin des cloches du hameau pour s'entendre exister. Que mon corps me survive sonore en vos oreilles, que je meure le cri dans l'os, la plaie ouverte comme une bouche. Mais je ne suis pas celui qui est déjà digne de mourir, et si je meurs avant vous, vous remporterez ma mort en chacun de mes vers. Mais je vous laisserai mes os en héritage, vous prendrez mes tibias en guise de baguette, je vous laisserai ma chair en héritage, vous la panerez, en ferez une pause.